Paco, je t'explique. Je dois passer un entretien pour un très bon travail dans son entreprise, mais je ne sais pas si je serai capable de le passer. Bon, non, pas de problème. Là, d'abord, tu dois être tranquille. Oui, mais je ne suis pas tranquille. Je suis un peu inquiète. Et pourquoi? Parce que je crois que c'est très difficile pour moi. Non, d'abord, je te dis, tu dois penser que tu es la meilleure travailleuse du monde. Tu es faite pour ce travail. Oui, mais c'est inquiétant parce que ici, le travail n'est pas ici en Espagne. Bon, Qu'est-ce que je peux faire? tu ne dois pas faire un problème de ça. Tu dois aller où est le travail. Oui, après, j'habiterai où? Les problèmes, tu devras affronter quand ils se présentent. D'accord, Paco. Merci pour tout. Mais tu dois apporter à l'entretien ton CV, tu dois porter des vêtements appropriés pour ce travail. De quel type de travail? Vendeuse, je crois. De vendeuse? Oui. Tu travailleras faisant du vendeuse. Tu Oui. aimes ce travail? Oh là là, ça commence à bien faire. Mais le premier travail, c'est le travail le plus difficile. Tu dois penser que tu aimes le travail et tu obtiendras ton travail. C'est C'est vrai bien? ce que tu dis. Tu dois Merci. être tranquille. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.